je fréquente une étrangère entre deux siècles à l'anguille. Dans son cœur, j'ai mon pied à terre, c'est là que j'erre, là que j'ai l'air d'être en vie. Dans ses rêves, dans ses dérives, dans ses déserts, je l'ai suivi, quoi qu'il lui arrive. Comprends que je suis. Elle s'inquiète, drôle d'époque, si elle allait manquer d'air. Avec ces saisons qui débloquent et tous ces gens qui voient doucement monter la mer. Comme une gamine, elle s'amuse en regardant passer les avions. L'inconscience infuse. J'abuse, même s'il n'est pas sûr que je l'aime, rien d'elle ne peut plus m'étonner, même désespérer, même tromper, même si elle me fait pleurer, ça me ferait de la peine d'envisager la rupture. Comprends. Ça dure. Je fréquente une ère étrange entre deux guerres étourdies. J'y vois plus de démons que d'anges, tous assurés qu'ils ont les clés du paradis. Rendu par les hommes inhumaine, au point que les dieux sont partis, cette terre est la mienne. Comprends que j'y tienne. Heather. dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Padilla del Flor. Elle était d'Allange où s'entassent les collines et les alliés. Enfin, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardis cavaliers. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu, comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle, à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit, me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères, et la nonne aima le brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit, au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit, au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfin voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu, qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. I'm not afraid to die.

city strife. I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I cannot be part of the cocktail generation. Partners waltz, devoid of all romance. The music plays, and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. The reasons why I can't remain, perhaps she'll understand if you tell it to her plain. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream, I want the world to share, and castle walls just lead me to despair. Quelle différence ici ou ailleurs.

place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to lead to. She could not help but wrap herself in sorrow. Sorrow. Through the endless days and nights we waited for a shining new tomorrow. Tomorrow. Love was whispered, sometimes love is only sleeping. And she whispered, sometimes love is only sleeping, only sleeping, only sleeping. As much as we want. but in time I feel lame for so long. Cause sooner or later we'll wonder why we gave up. The truth is everyone knows. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you, then maybe we wouldn't be 2 worlds apart. But right here in each other's minds, and we almost knew what love was. But almost is never enough. If I could change the world overnight, there'd be no such thing as goodbye. Oh. but my head's in Mississippi. The blues has got a hold of me. I believe I'm getting dizzy. Thinking about that night in Memphis. Lord, I thought I was in heaven. I keep thinking about the night in Memphis. I thought I was in heaven. But I was stumbling through the parking lot of an invisible 7-Eleven. What was I doing out there? Desire, don't wanna take no for an answer. Isn't the right thing to do? a-t-il d'un côté l'Ave Maria et le Blue Bayou en Louisiana? C'est exactement du pareil au même, de l'Adagio en noir de Harlem. La peine est la même, le vent vu où l'animal wawa les hommes. C'est une seule chanson, une seule mélopée, dans les yeux d'une femme ou d'un hidalgo. Ce sont les mêmes larmes, ce n'est que de l'eau. Alors pleurer camarade fait une rime en eau. Sur ce rock d'amour, le rock à gogo. Et chanter, c'est lui mon alter ego. Le rock à gogo, c'est ma coquille d'escargot. Le rock à gogo, mieux que l'ivresse d'une gorgée de Château Margaux. Quand il ou elle m'avait laissé du rock à gogo, toute notre richesse, notre magot. Le rock à gogo, mes devises et mes lingots. Le rock à gogo, alors buvons le bonheur à Tiladigo. En étant nos montres à l'heure. Le rock à gogo, rock à gogo. Enfants d'Irlande et de Bethléem, pour tous ceux qui partent et tous ceux qui s'aiment, la peine est la même. Le vent fut où l'animal wawa les hommes, hey hey. C'est une seule chanson, une unique mélopée. C'est Pépé qui chante, c'est Mémé Gâteau, père de cristal, papa Mambo. Alors danser la savane et le fandango sur ce rang d'amour, le rang d'un gogo. Et chanter, c'est lui mon alter ego. Le rock à gogo, c'est ma coquille d'escargot. Le rock à gogo, mieux que l'ivresse d'une gorgée de Château Margaux. Quand il ou elle m'avait laissé, le rock à gogo, toute notre richesse, notre magot. C'est le rock à gogo, mes devises et mes lingots. Le rock à gogo, alors buvons le bonheur à Tiladigo. En mettant nos montres à l'heure. Le rock à gogo, rock à gogo. Le rock à gogo, comme un petit coquelicot. Le rock à gogo, alléluia. starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. Thank you. find somebody else. All you have to do is try. Save, trouble's gonna come to you. my mind. Break you this time, won't be so kind. It's my turn to cry. Do what you want, I won't take the brunt. It's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, cause I'm gonna wear the snake. Gonna make you pay for that great big hole in my heart. People jumping all around, watch out woman, no love. FM en FM et en stéréo, dans tout le Nord-Isère, dans les contreforts du Bugey, dans les monts du Lyonnais, dans la périphérie lyonnaise, dans la Dombe. Vous nous retrouvez sur 100.1 MHz. Can I have your sweater? Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ride it to East Trick or Nine. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Zebra. Ride into some confusion with a Mrs. Croc. Dial, dial, dial. Furry muscles marching on. She thinks she's Kaiser Wilhelm. A rushable ice in a bowl to blow your mind. fight for money, pennies, rides, figuring out, gee. She's a good time fella, too bad the burial was premature, she said and smiled. Yeah. the lights in Miami begin to gleam, ruby blue and green, neon to the moon. Everything looks better from above, my king, like aquamarine, ocean's blue. Boxing and rapping in the summer rain, like a boss who sang jazz and blues. Salvador can wait, now it's time to eat soft ice cream.